J'entends un bruit là qui fait bizarre, ça me fait peur dans mon dos. Il y a un bruit. Ça fait un bruit là bizarre. Je crois Je te dis, que moi je suis peureuse. Hein. je crois que n'aie pas peur, d'accord? Je crois que les esprits là savent que quelque chose va se passer maintenant. Donc, Ça ma fait chère soeur, peur. ça fait plus de 3 heures que nous sommes ensemble. On va aborder la prière. Mais avant qu'on ne prie, je ne sais pas comment le Seigneur va dire, mais toi et moi, on va se rencontrer certainement. D'accord? Pourquoi ils sont des étages? Ah bah dis-moi ça, tu as des biais, hein? Ils savent. Ils savent bien les anges. Ton mari? Ils me disent que ça. Oui, ils me disent que ça fait 2 heures, 3 heures, je suis allée. Oui, mais c'est le chef, c'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure est-ce que ton mari est à la maison. Alors, on va prier. Mais toi et moi, Fais nous l'énergie. on va se Fais rencontrer nous face à pas face de dans prière. quelques jours. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'aimerais savoir, si tu as, avant qu'on commence la prière, est-ce que tu as un message, puisqu'il est question de ton témoignage, pour ceux qui vivent en Europe, pour les familles africaines et pour ta famille particulièrement, pour les membres de ta famille, si tu as un message à leur donner, qu'est-ce que tu vas leur dire? Oui, parce que je n'ai pas. Oh. Tu sais, c'est. Le message, c'est de dire, bon, de toute façon, c'est de suivre le Seigneur. Et non, ça, c'est vraiment que j'ai vu et je vois les œuvres de Jésus-Christ avant que qu'on soit Oui. en contact. Parce que, comme je dis, depuis, ça va faire 1 mois là, quelques 3 semaines, 1 mois, et j'ai vécu, s'il n'y avait pas le Seigneur, je ne serais pas en train de parler de ce qui m'est arrivé. Et que, donc, et là, il y a le Seigneur, on dit Dieu, Jésus-Christ, et d'autre part, d'écouter les signes, parce que avant qu'il nous arrive quelque chose, on nous montre. Et quoi qu'il en soit, bon, comment détecter, peut-être aussi détecter, savoir que ce sont des signes. Moi, j'ai eu ces signes-là, je les ai eus d'abord à l'œil, chercher justement les raisons cartésiennes. Il me dit, non, peut-être tu as dû gratter quand tu dormais. Pourtant, moi, je savais bien ce qui, comme si on m'avait piqué et que j'ai eu un éclair. Ça aurait déjà dû m'alerter et aller vers le Seigneur. Et aussi que les Africaines, là, enfin pas familles africaines, surtout les doigts là, vraiment qu'ils se repentent. Qu'est-ce que je peux dire? Qui se Qu'ils répand, laissent leurs qui se répand de quoi? enfants tranquilles, qu'ils se repentent de. Mais c'est la sorcellerie, non? Mais dans ce cas, dis-le directement à tes frères doigts là. Je demande à tous ces doigts-là et savoir qui se repentent de cette sorcellerie qui fait que leurs enfants et tous les Sawa et les doigts-là n'avancent pas. Et surtout actuellement à cause de la sorcellerie. Et que tous ceux qui veulent s'en sortir ou qui veulent faire quelque chose, on doit les dégager, mettre la tête sous l'eau. Qu'ils arrêtent parce que les autres se servent, les Européens ont de la sorcellerie, on le sait. Hein. Maintenant, les gens sont au courant. Mais ils s'en servent pour faire. Il y a un peu de mal, bien sûr, mais Oui. la plupart du temps, pour fabriquer des choses dont on utilise aujourd'hui et tout ça, et ça, s'ils ont ces possibilités-là, s'ils peuvent voyager, qu'un Africain vienne à nous, qu'ils viennent ici, là, mais pourquoi ils ne s'en servent pas, qu'ils s'en servent pour nous aider, mais pas pour nous. Bah, ils m'y tapent bisous. Dans les blancs ont le bon sorcellerie, les doigts ont les mauvaises façons, les Africains ou bien les doigts ont les mauvaises sorcelleries. Actuellement, les doigts, ils peuvent être aussi des bons sorceliers, la bonne sorcellerie, mais essentiel parce que la sorcellerie est très vulgarisée maintenant, c'est trop mal pris, mais bon, peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais tout le monde comprend. Mais ils peuvent s'en servir en bon. S'ils ont ces connaissances de génie, s'ils ont ces connaissances de spirituel, c'est-à-dire d'un autre monde, de monde immatériel, voilà, le monde immatériel. Ils essaient plutôt que par la voix du Seigneur, parce qu'on ne sait pas, moi bon, je ne suis pas, là, je sais pas comment ils ont eu, ils essaient par la voix du Seigneur, ou quoi que ce soit, d'en faire quelque chose du bien. Et c'est surtout que ceux qui sont là pour les aider, pour apporter quelque chose, et qui nous laisse progresser. Parce que sinon, c'est parce que c'est méchamment, ils le font gratuitement. Oui. Gratuit, parce que Voilà. nous qui essayons d'aider, je ne suis pas seule, il y a d'autres. Je suis sûre qu'il y a d'autres qui sont dans le même cas que moi, qui essayent d'aider. Et ce sont ceux-là, ces personnes-là, qui vont essayer de détruire, soit de tuer mystiquement. Oui. Moi, j'appelle pas ça manger, parce que manger, c'est quoi? Ils mangent quoi? Oui. Manger. Ah, tu vas acheter ta viande, tu manges, donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils te tuent, qu'ils vont nous tuer mystiquement et pourtant ça sert à rien. Donc s'ils ont ce pouvoir-là, qu'ils s'en servent peut-être en bien et même peut-être que nous qui sommes à Noël ou loin, ou même ceux qui sont à Noël, pour protéger, qui disent que non, il va y arriver ceci. Sauf si la personne commet le mal, si la personne fait le mal, qu'on Oui. l'appelle à un tribunal. Dans ce cas, il faut qu'ils inventent les tribunaux de sorcellerie qui disent que non, tu dois venir ici, là. Oui. Alors, Voilà. on va prier. Prends ta Bible, on va lire trois passages de la Bible et puis je vais te reposer une question avant qu'on engage dans la prière. Parce que si on est regardé la direction du Seigneur, comment on va faire pour ton cas. Mais si ton mari vient te trouver étendre étendre au sol là-bas, il va me parler allemand là-bas, il ne doit même pas comprendre. Bon, allons-y. Ouvre la Bible, ouvre le livre des Deutéronomes d'abord. Le livre des Deutéronomes. Deutéronome. Désormais, quand tu écoutes les enseignements, tu vois effectivement, tu essaies de suivre dans la Bible pour voir les passages qu'on lit, non? Oui, j'essaie de voir. Ton mari, est-ce que tu lui as fait le déjeuner? Ou bien on fait une pause pour que tu puisses d'abord finir avec lui? Non, il s'est. Oui, sur Oui, sur Ah. Parce que j'avais ouvert la porte. Donc là, il est en train il a fermé. Oui. Non. Oui, mais si je tombe ici, là, s'il m'arrive quelque chose, là, on fait comment? Le Saint-Esprit est au contrôle, c'est lui qui a dénoncé ta situation. Mais je vais d'abord te dire quelque chose, c'est que quel qu'en soit ce qu'on a fait dans ta vie, quel qu'en soit par où on a fait, qu'on t'a cuit n'importe quoi, fermé dans n'importe quel cadenas, il n'y a aucun cadenas ni aucune chose qui dépasse le Seigneur Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tu vois, il a la puissance, la toute puissance pour renverser toute domination. Et en fait, il les a vaincus à la croix. C'est seulement en son nom que tout genou fléchisse. D'accord? Donc il y a même des problèmes même dans ton sang, même que peut-être tu n'es même pas au courant. Dans ton sang. Donc on va prier pour tout cela. Problème dans ton sang. Dans ton sang, il y a des Bonjour. problèmes. Oui, il y a des problèmes dans ton sang. Donc tu vas me permettre seulement d'envoyer la main jusqu'à chez toi, te toucher là maintenant tout à l'heure. Mais au préalable, il faut qu'on lise, d'accord? Deutéronome ouvre le chapitre 18. Maintenant, ma soeur, comme tu as vécu les scénarios, comme tu as vécu ton problème, ton expérience aussi, tu peux maintenant croire maintenant facilement au témoignage d'autres personnes, pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai que maintenant, je crois, oui, parce que c'est. Bon, on va continuer mon témoignage parce que c'est vraiment. C'est bon. De ce qui est après là, c'est pas fini parce qu'il faut que les gens le sachent. Amen. C'est vraiment. Amen. D'ici quelques jours, on va se rencontrer. On va se rencontrer d'ici quelques temps, physiquement, d'ici quelques jours. Deutéronome chapitre 18, lis à partir du verset 9. Verset 9, Ah oui. chapitre 18. Oui. Espère. 8-9, si vous voulez bien mettre en partie. Chapitre 18, lis à partir du verset 9. Tu as trouvé? Deutéronome, chapitre 18. Commandement que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et si vous obéissez. Il y a une C'est pas interruption. ça. Attends, il y a une interruption là. Il y a une interruption. Je n'ai pas suivi. Donc, prends un peu. Reprends un peu. N'arrête pas d'avoir. Là, il se passe là. Il n'arrête pas d'avoir des interruptions. Je prends une autre Bible qui est plus. C'est écrit plus gros. Oui. Deutéronome chapitre 18, verset 9 14. Hein. J'espère que tu en as les notes, même pour lire après. C'est pas pour rien. C'est 18-22, 18. Verset 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Alors, tu parles des prophètes. Oui, vas-y, mais le lis à partir du verset 18, verset 9. 9. Lorsque tu seras entré dans le pays, Oui, c'est ça. c'est ça? Oui, c'est bon. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. Continue, On continue. ne. Oui. Oui, je souligne. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, Oui. qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait chose divination à Dieu et à cause de ses abominations, Dieu chasse ces nations devant toi. Oui. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient un chanteur et devin, mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu. Voilà. Note ça quelque part. Note ça dans une feuille où tu vas méditer là-dessus après qu'on ait prié. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est Je ton reçois. jour aujourd'hui. Donc le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon. D'accord? Pour que tu Oui. sois connecté à lui parce qu'il a le regard sur toi. En fait, comme j'ai dit, il y a d'autres choses qu'on va parler en off, hors de ton témoignage. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces passages? Est-ce que tu as lu là? Allô? Là, mais c'est en train de maintenant là ça commence à déconner hein. Justement, ils savent ce qui se passe. Donc, Oui, depuis on ils a savent. parlé, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils savent. Maintenant il y a des problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Donc, c'est Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14 que nous avons lu. Qu'est-ce que tu en sembles, vu ton passé, les visites chez les marabouts, tous les autres là et le village? Qu'est-ce que tu en dis? Que tu peux en dire? Non, ce que j'en dis, que le Seigneur dit qu'il faut arrêter tout ça. Même si tu es dans un pays là, tu ne dois pas pratiquer comme les nations, comme ce qu'on fait dans Voilà. le pays. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire donc maintenant pour tous ceux qui disent maintenant que ah, les marabouts là, ils travaillent avec le pouvoir de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir donné le pouvoir? Il a dit qu'on ne fasse pas ça. Non, non, non, non, non, non. Ils ne travaillent pas avec le pouvoir de Dieu. Ah non, non. Ah non, non, non. Non, non. Là, aujourd'hui, on le sait et je le sais. C'est se mentir. Ils ne travaillent pas avec le pouvoir de Dieu. Voilà. Enfin, Mais dans ce peut-être cas, c'est et ça. pourtant, ils font certaines personnes, ils les font du bien. Ils les font du bien. C'est-à-dire qu'ils aident les gens à résoudre leurs problèmes, malgré qu'ils ne travaillent pas avec Dieu. Oui, mais Satan résout les problèmes, Aha. hein? Pour Dieu t'attraper. Et que dis-tu des témoignages? Tout à l'heure, tu disais que si les sorciers des gens de la tradition pouvaient utiliser leur sorcellerie pour aider, qu'est-ce que tu vas en dire? Je dis que comme ils ont, qui c'est qui, il faut que les gens comme toi, Oui, hein, oui. il faut leur enlever ça, leur renoncer ça. Mais j'ai suivi c'est hier même que j'ai écouté le témoignage de la vieille là. Oui. Mais vraiment, j'ai ri. Elle ne voulait pas. Quand Oui. tu lui disais, tu te déplaçais pour aller la voir. Et être avec son mari, c'est pas son mari ou son fils, C'est je ne sais son pas. mari. Lui-même, il est le premier à ne pas vouloir qu'elle laisse parce que ça leur rapporte. Ça Oui. m'a fait penser à. Moi, je ne connais pas bien la Bible, mais je me souviens des passages là. Le monsieur, que celle qui faisait, qui utilisait l'esprit de Python là pour faire la Oui. division. Dans chapitre 16. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, voilà, il a cette femme, elle fait avec l'esprit. Et elle-même, elle sait ce qu'elle a. Et elle se dit, non, il faut qu'elle aille d'abord au Oui. village, sur les pierres, pour faire que. Tu as beau lui dire, non, elle n'a plus besoin d'aller là-bas, vous pouvez faire ici. Elle dit, non, elle a refusé. Oui. Et donc tu vois effectivement que voilà les marabouts que les gens vont consulter, ils savent qu'ils ne savent pas, ils servent pas Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais ces gens, eux, ils savent qu'ils ne servent pas Dieu. Nous savons. Et bon, on ne va pas se mentir. Hein. Oui. Nous, quand même moi, quand j'y allais, écoute, on sait qu'ils ont des génies. Nous, on appelait ça qu'ils ont des génies. Nous, bon, chez moi, c'est de Mami Ouattara, c'est tout, c'est des génies. Bon, ce n'est pas Dieu. Oui. On ne met pas, il ne faut même pas blasphémer, il ne faut pas mettre le nom de Dieu là-dedans. Et c'est ça le vrai problème. Vous dites que ce n'est pas Dieu, mais vous essayez de trouver un nom qui va être commode, qui pourra pousser à avoir un peu d'entendement. Pourquoi vous ne dites Non, pas qu'il il... travaille avec le démon ou avec le diable? Pourquoi on ne dit pas non, ça? ça c'est pas Dieu, il n'en est pas question. C'est-à-dire que même en y allant, j'ai dit que même quand j'étais jeune, on dit que non, ils ont des génies. Nous-mêmes, chez les Douala, on dit non, on a le génie des eaux, le génie de tout. Un génie, ça n'a jamais été Dieu. Et pendant que tu Ah, parlais ça. du génie des eaux là maintenant, tu as parlé de Mami Wata tout à l'heure, c'est vrai que tu es Sawa, mais j'ai fait tout pour esquiver le Mami Wata dès le départ, tout cela, tout cela, tout cela. Et je crois que ce sera un autre domaine encore qu'on pourra en parler. Oui. Allons dans le Lévitique, mais dans le Lévitique, on va lire deux chapitres dans le Lévitique, puis on va s'arrêter. Lévitique chapitre 19. Que Dieu te bénisse, Nelly. Ma grande sœur Nelly. Donc, mais toi, tu sais que j'étais vue cette nuit dans mes rêves. Hein? Voilà. Prescription morale et culturelle. Ayo Ayombande. Oh, allons-y au chapitre 19. On va lire un seul verset. On va lire un seul verset, d'accord? Mais ce que je sais, Nawedi. je t'engage à lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, au fur et à mesure, Dieu va te nettoyer, te révéler des choses, d'accord? Même certaines choses que tu as oubliées dans le passé vont te revenir parce que Dieu va te montrer ces choses-là pour que tu lises. Il faut que tu prennes le temps pour lire la Bible. Et je vais te mettre en contact avec mon épouse, comme ça vous travaillez ensemble, vous priez ensemble de temps en temps, d'accord? Pour que tu ne sois pas isolé. C'est bien ça, oui, j'aimerais quand. Voilà. Comme tu as fait dernièrement là avec les filles là. Oui. Ah, ok, à la conférence, à l'enseignement là, hein? Oui. Voilà, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais bien écouter aussi assister une fois, si tu peux me mettre, si tu me dis quand est-ce que c'est. N'y a pas de problème. Comme Dieu va diriger, d'accord, ma chère? D'accord. Est-ce que tu Chapitre peux me passer 19. le. Oui, tu disais. Non, je disais. Chapitre 19, le verset 31. Lis le verset 31 seulement. Je suis Ah, Oui. okay. Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins. Ils vous souilleraient. Je suis Yahvé votre Dieu. Tu as suivi ça, hein? Je te dis, hein. Hey, j'ai jamais lu ça dans la Bible. Voilà, c'est parce que tu avais mis la Bible dans le tiroir. Si tu avais ressorti ça. Et les seuls documents que tu vas lire, c'est les documents sur les analyses financières et autres, les statistiques des bourses et autres. C'est ça même qui est là, là, chez moi, là, plein, là. Voilà, c'est ça que tu lis, n'est-ce pas? Oui, c'est Hein? vrai, hein. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu as deux Bibles, lis ça dans l'autre Bible, la première Bible que tu as eu en main, là, je crois, la Bible rouge, là. Oui. Oui, lis ce même verset-ci, dans ce même passage-ci, dans ce livre-ci. Tiens, regarde, j'étais même dans les négatifs, là. Voilà. Alors. J'ai 19, 31. La façon dont tu es versé dans l'analyse financière là, entre-y comme ça dans la Bible, tu vas voir comment tu vas être l'analyse financière du royaume. Amen. Alors, c'est possible. Alors, oui. Ah. 31. Les bêtises ne cherchent. Déjà, ils appellent ça comment? 19, ici, c'est comment Dieu veut être servi. Oui. Et ici, ils disent prescription morale et culturelle. Pourquoi ils changent? Voilà, donc commence à lire désormais la Bible rouge ici. Toi et moi, on va en parler, on va apprendre une séance de travail même sur une semaine, d'accord? Sur une D'accord. semaine selon ton programme, pour qu'on puisse mettre la base. Voilà, j'ai dit, le Seigneur t'a entraîné vers moi pour qu'il te connecte à lui de la bonne façon, d'accord? Voilà. Comment Dieu va te servir? Donc, ok. 31. Oui, donc lisons directement le verset 30. On va y revenir parce qu'on veut prier. Je vais seulement te montrer quelques pistes d'abord. À étudier, Oui. ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Mon Qu'est-ce que tu peux dire? grand-père et mes grands-parents, j'appelle parfois ma grand-mère, parfois même ma mère, même mes soeurs, même qui sont disées, parfois je pense à eux, je prie, je leur demande Alors, ça. tu vois que garder la parole du Seigneur, garder la Bible dans le tiroir, c'est une faute terrible, n'est-ce pas? Relis encore ça, relis encore ça. Vraiment. Donc, cherchez de toute manière à entrer en contact avec l'esprit des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. Tu vois effectivement que Dieu, dans sa miséricorde, t'a protégé parce que tu étais ignorant. Tu cherchais, tu pries ton père, tu pries ceci. C'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure, que quand tu as prié comme ça, que si on paie ton argent, tu vas la réparer la maison. On l'a fait effectivement. Et puis pour le mari aussi, tu as prié, on a fait comme ça. Je t'ai posé une question là, c'est parce que je sais exactement ce qu'il en est derrière, tu vois. Alors, il dit ne cherchez d'aucune manière. Là, tu vois que dans l'autre version de la Bible que tu as lu tout à l'heure, ça n'a pas cet impact, ça n'a pas cette emprise là, n'est-ce pas? Je range même ça Alors il dit ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact. Donc il n'y a point de contact avec les morts, pas vrai? côté. Et il dit là-bas que le but c'est que si tu fais ça, tu vas te souiller avec eux. Impur. Voilà, il va te rendre impur. Voilà donc pourquoi, voilà autant de choses qui fait le temps. Quand tu as des pressions, tu remarques que dans cette songe que tu as raconté là, tu n'as pas pu appeler. Et normalement, le réflexe de chaque personne qui connaît Jésus, c'est que si on t'oppresse, c'est Jésus que tu vas appeler. Parce que quand tu prends le nom de Jésus, ça fait disparaître les ténèbres. Tu as vu? Ah, c'est ça, tu as touché. Parce qu'avant, Oui. j'appelais, on m'avait, j'avais rêvé. Moi, tu sais, j'ai été tellement attaquée. Oui. J'avais rêvé qu'on voulait me percer ici, là. Oui, le front. Oui, si bien que j'avais même reçu un coup, hein, on Voilà. m'avait tiré. On m'avait tiré ici. Oui. J'avais tellement couru, couru, couru, je ne pouvais plus. Et j'étais acculée contre un mur. Si bien qu'on est venu, on a tiré. Et j'ai appelé. Je te dis que dans le rêve, je me suis mise à genoux, j'ai prié Jésus et je suis sortie. Voilà. Et tu as remarqué, quand tu as dit Jésus dans le rêve, tu t'en es sorti, n'est-ce pas? Et Et maintenant, depuis, voilà, et maintenant, je voilà. n'appelle plus Dieu quand je dors. Depuis donc, maintenant, tu n'as plus jamais appelé de Jésus dans tes songes parce que tu as mis ceci de côté. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est fait chair. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté, ses attributs de côté, et tu peux pas combattre les ténèbres. C'est pour cela que tu n'as pas la victoire dans le songe. D'accord? Donc prends maintenant la Bible pour appui. Donc prends la parole de Dieu pour appui. Repose-toi sur la Bible et tu auras la victoire. En fait, je n'appellerai plus jamais mon rêve, plus jamais mes parents. Amen. Amen. Mais oui, parce Mais que, quand mais tu savais, attends. quand tu faisais ça, tu pensais que c'était quelque chose de normal, non? Oui, c'est normal parce que tant bien, on dit toujours que, attends, même j'ai une copine, Bafan, elle est passée ici, je m'en souviens. C'était décembre dernier. Parce que c'est pour elle aussi. Parce qu'elle est venue, je me dis, mais ici, là, on rentre, on voit seulement Jésus, parce qu'on voit les Vierges Marie. Toi, tu ne pries pas tes ancêtres, tu pries seulement ceux-là. Elle est rentrée dans la chambre. Et puis, c'est. Moi, j'ai dit finalement, peut-être qu'elle a raison. Mais bon, j'ai toujours prié mon grand-père. J'ai toujours appelé mon grand-père. Bon, Même que maintenant, là, je l'appelle même toujours. Mais j'ai toujours prié. voilà. La Bible a réglé le problème là maintenant, n'est-ce pas? La parole du Seigneur règle le problème maintenant. Amen. Ce que tu vas faire, c'est qu'après ceci, après avoir lu ceci, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que adresser la prière à une personne en dehors de Dieu, c'est mettre la personne à la place de Dieu, ou bien mettre cette personne à côté de Dieu. Or, Dieu dit que tu ne mettras personne devant lui. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Tu vois, Dieu, c'est la personne à qui on adresse les prières. Et c'est uniquement à lui qu'on doit adresser la prière. Si tu adresses tes requêtes à une autre personne, ça suppose que tu comptes sur cette personne-là de la même façon comme Dieu. Tu mets donc Dieu à l'égalité de qu'une autre personne. Tu vois la faute que nos cultures nous ont entraînées, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Maintenant, je comprends. Quand les gens ne comprennent pas ces choses, ils disent que non, on est venu mettre notre culture de côté pour parler de la culture des Blancs. Est-ce qu'il y a la culture des Blancs ici, là-dedans? C'est pas ça. Maintenant, je comprends. En fait, il faut aussi vivre ça parce que maintenant que quand Oui, mais est-ce que c'est. En fait, c'est l'esprit. Donc, parce que j'avais l'esprit de mort qui était venu là. Voilà. Voilà. Courage, d'accord? On va prier. On va prier. Mais en tout cas, je l'ai su, hein. Je savais. Tu l'as su. Et comment tu as fait? Hey, je l'ai su que quand tu étais rentré, le plus gros est venu. Quand tu es venu, il est venu, il est monté dans ma tête. Pas la tête, oui. Il est monté dans mon cerveau, dans mon esprit. Oui. Ce n'est pas vraiment le cerveau. Il s'était installé. Oui. Donc, les 3 jours, je n'ai pas. Ce n'était pas encore vu, mais je n'ai pas senti. C'est le deuxième jour. Mais du coup, ma vie avait changé. J'allais en léthargie. Oui. J'appelle ça léthargie, c'est-à-dire que j'avais plus envie de rien, j'avais plus faim. Et dès que ça priait, comme si ça m'appuyait ici, je Oui. m'endormais. Et quand je voulais m'endormir, je sentais le coup. Oui. Ça me réveille. Donc j'ai senti que c'était l'esprit de course. C'est là où vraiment ce que tu dis, le Seigneur m'aime, je l'adore, j'adore, j'adore mon Dieu. Franchement, il m'aime. Amen. J'ai pris et c'est ma petite Bible aussi. Oui. Et c'est là où je l'ai ouvert, j'étais là sur mon canapé. Et le soir, parce que c'était surtout la nuit, là, c'était terrible. J'étais possédée. Hein. oui, Ça s'appelle possession, ça ne s'appelle pas autrement. oui. Et puis, j'ai commencé à lire. Et dès que j'ouvrais le passage, alors il y a une chose, c'est que je suis tombée beaucoup sur le livre de Tobie et Sarah. Tu sais, la Sarah qui était possédée du Oui. démon que l'ange a demandé de faire d'enlever. Oui. Bon, et puis, il y avait les psaumes. Et je tombais sur le psaume, il fait quoi, 103 ou 103. Il y a des trucs où j'avais noté, où on parle des démons, mais ceux qui sont devenus démons, mais les anges qui n'ont pas obéi à Oui, Dieu, là. adieu. Et donc, les esprits de mort ou de tout, moi, je n'ai pas vraiment pour retenir les Ne trucs. Je t'inquiète parle pas, de. ne t'inquiète pas, on va chasser tout cela, d'accord? Mais la chose, c'est que, comme Dieu a dit là, c'est parce que tu t'es souillé avec eux. Tu t'es rendu impur avec eux en les invoquant, n'est-ce pas? Sans t'en rendre compte. Mais le problème, c'est quand tu dis que mon grand-père, tu appelles le grand-père, tu es en train de l'appeler, il va faire comment? Il ne vient pas. Tu vois? Si par exemple, pour le cas de ton ex-mari qui était franc-maçon là, tu as remarqué que quand tu l'as vu dans un songe, tu l'as vu avec les gorilles à côté. Tu vois cela? Maintenant, s'il meurt, maintenant quelqu'un l'invoque, même les gorilles peuvent venir parce qu'il en est invoqué, lui, avec tous les démons qui l'ont servi. C'est terrible. Quand Dieu dit quelque chose, il faut qu'on s'en tienne là, n'est-ce pas? Je vais maintenant écrire parce que c'est vrai que comme j'avais même encore attends pour moi c'est tellement instinctif que je dis parce que c'est la seule personne qui s'est vraiment occupée de moi qui et je l'aimais tellement qu'il n'aime plus qui est parti peut-être c'est pour ça que je t'ai dit au début j'ai pas peut-être pas fait le deuil donc quand il m'arrive des trucs comme ça et ça tous les trucs qui se passent dans sa maison donc et je l'appelle hein, facilement hein. Ouais, non, mais je te dis, j'ai pas besoin de. Je le dis, moi. C'est-à-dire. En fait, c'est parce que tu étais dans l'ignorance. Maintenant, la vérité dit autre chose. Maintenant, tu penses que ton grand-père t'aime toujours, à l'instant où il est là. Mais moi, non, là, je peux pas. Bon, J'ai du mal à on va voir ça. accepter. On va voir ça dans la Bible. On va voir ce que la Bible dit de cela, d'accord? Lisons le chapitre 20, verset 6. Lévitique là. Lévitique chapitre 20, verset 6. Ça va encore être percutant, hein? Si un homme, en fait, ça m'éclaire, ça m'éclaire. Bon, ça m'éclaire douloureusement, mais ça m'éclaire. Amen. Amen. Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Tu entends ça? Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Amen. C'est bon. Tu as suivi ça, ma chère? C'est terrible, pas vrai? Ah, ça me tourne la dedans. Mais. Tu vois que tu n'as pas intérêt, tu n'as plus intérêt à ranger ta Bible dans le placard, pas vrai? S'il y a un livre qui doit figurer à côté de ton lit, au chevet du lit, à n'importe où tu te trouves, c'est cette Bible-là désormais. Oui, c'est vrai. Alors Non, là. mais je l'ai sorti depuis, non. Je l'ai sorti depuis, pardon. Je l'ai sorti. Tu vois pourquoi la Bible déclare à Osée 4, 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la Mon connaissance, tu vas périr comme ça. peuple périt faute de connaissance. Mais en même temps, non, pardon, éclairez-moi. Parce que moi, j'ai pensé qu'on m'avait lancé dans du pays. Parce que ça fait 3 fois que je vois les ténèbres. D'accord? Là, c'était le plus gros. C'est pour ça que je raconte. Les autres fois, c'était tout petit. C'est-à-dire, et ça a voulu me prendre. L'autre fois, c'était attiré. J'ai toujours vu que ça m'attirait. Une fois, c'était là. Donc, je me suis réveillée. J'ai vu quelqu'un, les anges, comme l'ange qui est venu me relever. J'étais déjà même au sol, Oui. en rêve. Mais ça n'avait pas de conséquence. C'est-à-dire que cette fois-ci, pourquoi même peut-être que, comme les trucs là sont. C'est-à-dire là, c'est rentré dans moi. Oui. Et donc, maintenant que. C'est pour ça que, comme ça reste, et tout. Et tout de suite, ça percé parce que je voyais mon œil ici qui a eu une parce qu'il y a une cicatrice qui était blessée Oui. et tout. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que j'ai senti que ça allait se placer dans certains endroits de mon corps stratégique. Stratégique, oui. Ma soeur, tu n'as pas besoin de raconter. C'est parce que c'est ton témoignage que je laisse même parler de certaines choses. Je sais exactement ce qui est dans ton corps, les choses qui sont dans ton corps, d'accord? Les ténèbres dont tu as vu ne viennent pas de. Ce n'est pas ceci de la famille. Ceci, ça vient de la franc-maçonnerie. Ça vient de. C'est la franc-maçonnerie que ça vient ceci. C'est ça qui aspire par là-bas. Je vais t'expliquer, d'accord? Souviens-toi de ceci. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Son nom est au-dessus de tout nom. À la mention de son nom, tout genou fléchisse. D'accord? Amen. Il va te libérer totalement. Totalement. De toutes tes détresses. Vraiment, parce qu'il a commencé à me libérer, mais C'est comme ça c'est que pas c'est comme ça que je t'ai posé une question tout à l'heure. Ok, lorsque Dieu t'a guéri, qu'est-ce que ça t'a fait pour pouvoir te connecter à lui? C'est cette question que je pose. J'ai posé comme ça. bien. Ta voix, je te dis que regarde, j'ai dit que le matin que je t'ai connu, Oui. bon, j'écoute ça, mais j'étais tout de suite aimé, c'est-à-dire aimé ce que tu disais et tout ça. Mais là, quand j'ai eu ces trucs qui sont rentrés, quand j'ai pris là, j'ai essayé, il y avait d'autres sur YouTube, là, les machines et tout, mais là, quoi, je ne m'en parle, j'ai pris un de tes. Une de ces vidéos-là, mais là c'était enseignement, ce n'était pas le témoignage. J'ai voulu mettre là pour écouter. La première fois, c'est là où même j'ai compris que j'ai Il y a dit, mais attends, c'est. quelque chose dedans qui ne va pas. Oui. Oui. Et c'est là où je me suis dit, ça fait. Hein? J'ai enlevé les écouteurs, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Et je sens ma tête qui pèse, qui commence à pèser. Ce que je ne sentais pas avant. Je sentis. Mais même, il faut que quelqu'un dise ça pour comprendre. C'est comme si on. Tu sais, quand on prend la charge, On là, a qu'on pris pose un sur la. sac de ciment déposé sur toi, ça en est de peser pour t'appuyer. Ma soeur, ne raconte pas, ça va. Ça va, ton témoignage. Ah. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai dit, ah. Et puis, le matin, un jour, c'est la dernière, je parle de toi, le matin. Je voyais que j'arrivais pas une nuit ici, là, j'ai combattu ces choses-là graves. Donc j'étais perdue. J'étais le matin, et là j'étais assise dans la piscine. Là j'étais parce que là je me laissais aller. Hein. Je me suis dit, bon, je me laisse aller. Hein. Et je dis au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, s'il y a qui m'envoie avec quelqu'un qui a son onction, qui est son messager, qui a le truc qui peut me faire. Je fais ça dans ma cuisine, je veux prendre le café, je n'avais même pas trop envie. Et je vais sur YouTube, je tombe sur ton nom. Voilà. C'est la ménage, j'ouvre sur YouTube, je tombe sur toi. La première vidéo qui était là, qu'on me recommandait, c'était toi. Tu sais, recommandation. Recommandation. Je regarde. Je regarde encore. Et c'est ce que j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ce gars-là encore là? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris dès que tu as commencé à parler. Maintenant, aujourd'hui, je parle normalement parce que j'ai fait sortir bien les choses. Ça se. Raconte-nous, J'étais raconte-nous. Donc, quand tu as cliqué là-dessus, séance de comme tu étais affaibli. en train de prêcher. Oui. Et je pense même que tu parlais, mais tu n'as pas fait cette délivrance-là. Tu parlais, il y a monsieur, quelqu'un qui est venu en délivrance. Donc, j'ai suivi même deux vidéos là du coup sur coup, Oui. que je n'avais pas suivi avant. Oui. Donc, quand tu parlais, tu disais oui. Tu priais, dès qu'on entendait ta voix. Je sentais Ça avait ça sorti. sortait. Ça sortait. Tu vomissais. C'était comme les gens de crachat, mais Oui. comme la bave, quoi. Gluant, Ça, gluant. gluant, voilà. Je vais dans les toilettes, je vais, je me levais, je n'arrêtais pas. Donc, du coup, je ne suis pas bien. Donc, à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit pot. Donc, je me mettais dedans pour continuer Oui, à bien suivre. oui. Et puis, à un moment, je ne sais pas ce que j'ai vu. Ah, donc. J'ai dit, donc tu n'es pas sa voix. Il a dit ça. Hein? J'ai dit, donc tu n'es pas sa voix. J'ai dit, attends alors. J'ai été mis en volume fort. Volume fort. Bon, malheureusement, le prêche n'est pas resté longtemps. Puis il y avait les enfants. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas, dans mon esprit, il est venu que c'était toi. Hein? Dans mon esprit, il est venu que c'était toi. Ici, normalement, j'ai même essayé de trouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un. Non, dernièrement encore, parce que je t'avais délaissé. J'ai laissé. Comme je laisse parfois, comme la Bible, j'avais mis dans le dos, je Oui, t'avais d'abord tu m'as aussi mis ça dans une autre banque là. délaissé. J'ai délaissé. Et c'est même une de mes amies qui est en face là, qui est venue, elle me dit, c'est elle qui m'a parlé. Elle me dit, ah, tu sais, est-ce que tu as suivi le témoignage d'une fille là? J'ai dit, qu'est-ce que tu me dis? Moi-même, je suis en train de vivre les choses qui me disent sur les témoignages de lui, je n'ai pas besoin de suivre les témoignages. Il dit, non, tu te souviens, tu m'avais envoyé une vidéo là, j'ai dit, je t'ai rien envoyé du tout. Elle me dit, si, je lui dis, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. Alors, je lui ai dit, allez, écoute, je ne t'ai pas envoyé la vidéo. Donc, elle me dit, écoute, je dis, écoute, renvoie-moi. Oui. Je veux si c'est dans mes avis. C'est oui. moi. Et effectivement, c'est moi qui t'avais envoyé avant. J'ai dit, ok, excuse-moi, c'est moi qui t'avais envoyé. Ah, je reconnais une fille qui était. Et tout ça, j'ai dit, d'accord. Et bien que c'est comme ça que je me suis remis à toi, j'ai dit, peut-être que c'est lui. Mais là, maintenant, je dis, Seigneur, mais il est loin, il est au Cameroun. Je n'ai plus d'argent parce qu'ils ont tout volé. J'ai dit, je n'ai plus d'argent pour aller au Cameroun. Je n'ai pas du tout. Comment tu me montres que je montre que c'est quelqu'un qui est loin de l'autre côté au Cameroun, que je n'ai même pas de quoi payer le transport. C'est comme ça que j'ai prié et je lui ai parlé comme ça. Et maintenant tu m'annonces que tu vas venir. Non, mais Dieu est grand. Oh, je ne sais pas. Amen. Amen. Amen. Je te jure. Le Seigneur t'aime vraiment. C'est. Le Seigneur t'aime vraiment, d'accord? Tu C'est. Amen. vois qu'il y a de quoi lui rendre Oui. grâce, n'est-ce pas? Parce que Oh. l'extérieur, tu montres que tu es fort, mais tu as souffert à l'intérieur. Tu as souffert. S'il fallait craquer, tu craquerais. Mais D'accord? j'ai failli. Non, c'est vraiment. C'est tous les jours j'ai failli. C'est vrai que j'ai l'air. Tout le monde pense que. Effectivement, tout le monde pense que je suis forte. C'est-à-dire, on me traite de forte parce que j'avais tellement une telle charge. J'ai pris des responsabilités. J'ai des responsabilités. Mais même si les gens qui sont forts ont aussi besoin de soutien. Mais sauf que l'épreuve que je vis là, cette fois-ci, ce n'est pas une épreuve simple comme n'importe quelle. On ne peut pas, personne ne peut dire que tu entends les voix dans ta vie, tu entends les gens parler. J'ai entendu là, dans ma fenêtre où je suis là, c'est comme si le matin je suis en train de. Et ça parle, et j'ai entendu quelque chose parler à l'intérieur de moi. Oui. Je ne sais pas comment raconter. Tu as besoin Je de ne sais pas délivrance. Tu as besoin de comment délivrance. raconter. Ne t'inquiète pas, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord? Le Seigneur Jésus va te délivrer maintenant. D'accord? Le Seigneur va te délivrer. Ne pleure pas. Il sait que tu as assez souffert et il sait mieux. C'est pour ça qu'il te dit, il t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon. D'accord? Tu as assez souffert. Tu as assez souffert. Il est au courant. Il connaît toutes tes souffrances. Il connaît tout ce par quoi tu as traversé. Courage, d'accord? C'est la fin maintenant. C'est la fin. Tu n'as pas fait une dépression maintenant. C'est la fin de tes histoires. D'accord? Amen. Parce que j'ai l'impression que, donc, même comme il a levé, c'est vrai que je rends témoignage parce que c'est la nuit de ça. Parce que peut-être que j'allais partir, c'est là où c'était parti. J'ai dit, il faut leur dire aux gens de téléphone. Parce que tu parlais de téléphone là. Et dans tout ça, j'ai posé dans mon téléphone, comme il est posé là, j'ai posé mon téléphone et j'ai attrapé une. Il y a une prière de. Il faut que tu me fasses des prières de délivrance. Il y a une prière de délivrance que donne. Il a un accent, donc je parle des Brésiliens ou Antillais. Donc il y a la délivrance, il y a la guérison et il y a la protection. 3 minutes, tu as vu 25 minutes, l'autre 30 minutes. Et quand je faisais ça, une nuit, je dormais pas, je restais sur mes escaliers. Et fatigué, et donc quand j'écoutais ça, je salivais beaucoup, donc ça sortait. Donc j'étais dans la salle de bain, devant, et quand j'avais encore ce truc-là, un moment j'ai entendu comme si ça communiquait. Il faut pas que je voie le jeu, mais comme si il y a d'autres dans le tout, c'est un satellite, là, moi j'appelle ça les satellites, peut-être c'est pas le satellite là. Dans mon ventre, et lui, il était dans la tête, parce que celui qui était de la tête du cerveau, c'est lui qui contrôlait les autres. Oui. Ça, j'avais compris ça. Je ne me dis pas comment, mais j'ai compris. C'est lui qui contrôlait les autres. Et donc, du coup, il a dû demander qu'est-ce que je suis en train de faire pour. Parce que ça allait déranger ces prières-là. Ça dérange, sincèrement. Et du coup, je regarde, je dis, ah, ça vous dérange. Donc, même avec l'eau bénite, et c'était le jour, c'était 2 jours après, hein, que les trucs sont rentrés dans moi. À un moment donné, donc je me préparais, je dis, je vais sortir, je vais à l'église. Et donc, ils savaient qu'il y a une chapelle à côté. Je regarde mon téléphone posé. J'avais une statuette de la Vierge Marie et de Jésus-Christ qui offre son eau soeur comme ça, que j'ai ramenée de Lisieux. Oui. Je pose devant moi. J'ai été hypnotisée. Oui. De tout dans ma tête, ça m'a hypnotisée et j'ai entendu comme un petit, comme un rire, c'est-à-dire ça communiquait. Ça m'a hypnotisée et mon œil, Oui. comme si mon œil a battu comme ça, là, tu sais quand l'œil bat Oui, comme oui. ça. Donc, pour regarder, par qui vous croyez, donc, il a injecté son esprit dans mon téléphone. Oui, oui. Que je suis en train d'utiliser, c'est dans mon téléphone. Et plus l'image de Jésus qui était là, Oui. il est rentré dedans. Oui. Le téléphone, je jure, celui-là, j'allais encore dire sur la tombe. C'est mieux d'arrêter ta bouche comme ça, parce que c'est la tête de ton grand-père. Continue. Mais ça va finir, d'accord? Il faut seulement la repentance. Dieu va nettoyer cela. Vraiment. Et donc en partant, et c'est là où il y a eu une série d'événements, j'ai mon tableau là qui est tombé, Oui. ça fait pouf par terre, par la force. J'étais là et ici là, tu me dis que j'ai le livre de prière là. Oui. D'autres, j'ai sorti, c'est-à-dire où je trouve facilement. Oui, J'ai. rapidement, là, tu as cherché les secours. Oui, là je connais Jésus, là j'ai appelé Oui. Jésus. J'ai cherché le secours et donc j'ai commencé à prier le sang à faire la litanie du sang de Jésus-Christ et du nom de Jésus-Christ. J'ai fait la litanie, nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. C'est long comme ça. Je faisais. Vous allez Parce me que. tuer, vous allez me tuer dans le monde, vous allez me tuer dans le monde. Que Jésus, que notre Seigneur Jésus qui veut m'enlever sur cette terre, si je vais me rendre à la maison. Ah. Mon frère, je dis que. Il me faisait que je n'arrivais plus à faire le pater, notre Père qui est aux Pater cieux. Noster. Je le faisais à l'envers. À l'envers. Je veux parler, dès que je veux même dire que Jésus-Christ, ce n'est pas Ça qui celui qui sort. sort, c'est son nom. Et là, je me pose une question. Ton mari est allemand. Il n'est pas dans cette histoire de Dieu-là. Comment, quand tu vivais toutes ces expériences spirituelles, est-ce qu'il est au courant de cela? Non. Donc tu vois effectivement que si on engage là, les choses arrivent là-bas, il risque de dire qu'il y a un Camerounais là qui a invité sa femme au téléphone, par Skype là maintenant. Mais de toute façon, Dieu au contrôle, il faut que tu sois en soi délivré, d'accord? Parce que il a et par la suite, parce que c'est une nuit ou deux nuits, les mêmes nuits là, et c'est comme ça que moi je suis partie du lit conjugal. Hein. C'est pour ça que je suis venue au salon dormir sur le truc, parce que. J'ai senti que comme après, il ne pouvait plus, parce que c'est le même jour-là où il y a eu des événements, le tableau qui tombe. Je veux passer mon sac à main que je veux prendre. J'entends qu'il y a quelque chose qui est en train de siffler dans mon sac à main. Siffler, hein. Oui. Il dit ça, le tableau qui est tombé là, est-ce qu'il a vu le tableau tomber? Il a vu le tableau tomber? Ouais. Il était au travail, il n'était pas là. C'est arrivé le matin comme là. Là, aujourd'hui, parce qu'il est en vacances. Non, il n'est pas là. Oui. Il est au travail. Il n'était pas, donc je vivais ça seul dans la Et tu maison. lui as pas Donc, expliqué, tu lui as pas expliqué ce qui est arrivé au tableau? j'ai essayé de lui expliquer. Je suis allée appeler même le voisin. Oui. Ils vont dire que tu es parano, non? Le tableau était par terre. Il m'a dit, le voisin a dit à mon mari qu'il faut qu'il appelle les SAMU, qu'il appelle les médecins qu'on m'enferme parce qu'il pense que je suis folle. Tu n'es pas folle, d'accord, ma chère? Tu n'es pas folle. Il est rentré le soir, la nuit. J'essayais de lui parler parce que là, j'avais fui la maison. Je suis partie. Je suis partie de la maison le matin. J'ai dit, il n'en est pas question que je remonte. Partout, dès que je remontais, là, j'avais la chair de poule. La chair de poule. Je n'avais pas encore compris que mon téléphone était infesté maintenant. Mon sac à main était infesté. Le tableau, mon image de Dieu était infestée. J'avais un chapelet qu'on m'a ramené d'Israël là. Je n'utilise même tout ce truc-là, je ne sais même plus. C'était dans mon sac. Donc, du coup, je ne sais pas. Parce que tu ne sais pas tout de suite. Moi, quand je. Par contre, il y avait une petite statuette de Marie qui était, j'avais amené dans la tête. Je la ramène à côté de mon lit. Mais quand j'arrive à côté de mon lit, j'ai la chair de poule. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je vais à l'église, mon église catholique qui est en bas, je dis, il me faut l'eau bénite. Je suis rentrée dans l'église. Dès que j'entre dans l'église, je m'assois. L'église est vide parce qu'il n'y a pas de messe. Le truc, j'entends que boum, on me donne les coups à l'intérieur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce Et qui là, il n'y a m'arrivait. personne pour t'aider. Il n'y n'y a personne pour m'aider. Personne. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? En posant les genoux comme ça au sol, j'ai senti comme si quelque chose qui me mordait ici, là, au niveau de la jambe. Oui. Pourquoi tu ne puisses pas poser? Pourquoi je ne puisse pas mettre mes genoux au sol? Après, c'est comme ça, c'est après que j'ai compris. Parce que quand j'ai un moment, je me suis dit, mais il y a quelque chose, peut-être que mon pantalon s'est. Mais pourtant, j'étais en robe, moi aussi. Hein. Mmh. Mais bon, dans ce cas-là, tu es perdu, j'étais en collant et tout. Et donc, je me relève. Je me relève, je vais maintenant m'asseoir. Rien que m'asseoir sur les bancs de l'église. J'étais assise maintenant, je commençais à vouloir prier. Je sens au niveau de mes fesses, comme s'il y avait une face, quelque chose qui me faisait. Comme qui faisait. Oui. Comme ça pour vous. Mais comme quoi, si bien que ça faisait de sorte qu'il fallait que c'est moi que je me lève. Et donc, je me suis levée. Dès qu'à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Je regardais vers les salles de Jésus et tout, et les anges. Il y a un des anges, j'ai vu les yeux rouges. Oui. Les yeux des anges de statue rouges. À un moment, j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Du coup, j'étais en perdition. Un monsieur est rentré, un diacre, un allemand. Oui. Il est rentré. Je ne voulais pas. Il me regardait bizarrement parce qu'il me voyait, j'étais bizarre. J'étais la seule personne dans l'église. Il n'y avait personne. L'église était ouverte. Donc, je me lève. Ce que je fais, j'ai dit, ah, j'ai même oublié. Je retourne vers l'entrée, là où il y a l'eau bénite. Oui. Quand tu rentres à l'église, là, l'église catholique, il y a l'eau. Oui. Je prends l'eau, je fais comme ça, là, sur ma tête. Je mets comme ça et je refais ça. L'eau bénite, il faut dire à tout le monde, quand on dit l'eau, ça brûle. Ma tête a brûlé. L'eau bénite a brûlé ma tête. Bamba, regarde ma tête, je n'ai plus de cheveux. Oui. Depuis, ça s'est parti avec mes cheveux. Oui. Voilà, je montre à tout le monde, ma cousine est venue, elle a vu, une victoire qui avait des cheveux. Tout ça, tout le tout là où c'était installé, je n'ai plus de cheveux, c'est parti avec mes cheveux. J'ai mis l'eau bénite, ça m'a brûlé. Ici, je n'avais pas ça, moi je n'avais pas, ça m'a brûlé. Je me dis, je te jure, même à un moment je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça me chauffe? Je dis, l'eau bénite, ça ne m'a jamais chauffé le corps. Je retourne. Je change l'autre, je change la place, je vais voir l'autre de l'autre côté. Tu as toujours dans l'église, et puis il y a le diacre qui repasse, qui me regarde. Je dis, non, je suis plus dans le cuir là à l'entrée. J'ai un moment, tu te dis, bon, peut-être les enfants ont mis quelque chose, tu n'en sais rien. Je vais changer, je vais mettre la main dans l'autre. Je prends, là, j'ai bien pris, je prends beaucoup. Je verse sur ma tête, ça me verse même jusqu'au dos. Oui. Le dos ici, là ici. Mais ça, je m'amorce. C'est comme si on m'avait jeté, on me brûlait. L'acide. C'est comme si l'acide, effectivement, qu'on me brûlait. Tout ma tête chauffait. Je sautais là, j'étais comme ça. Comme je tiens, comme ça. Mon dos, tout le dos là, était comme ça. Donc, ce que j'ai pris, j'ai dit, ok, moi je suis africain, j'ai dit, je suis, s'il y a quelque chose là aujourd'hui là, si je meurs. Donc, j'ai pris un sachet. Oui. Ce qu'on a pris un sachet. J'ai pris l'eau dans le sachet là. Oui, j'ai attaché. Je n'avais rien. J'ai attaché. Je suis revenu. En revenant, il y avait des corbeaux. Ici, tu n'as pas vu les corbeaux. Au moment où il y avait des corbeaux qui étaient tout autour de ma maison. Oui. Les corbeaux. Oui. Je suis en train. Et tu sais effectivement ce que c'est que le corbeau ici en Afrique. Qu'est-ce que le corbeau est venu faire là-bas? Voilà. Je suis en Afrique, je veux tirer le corbeau. Je sors de là, le corbeau fait croc. Je sors de l'église, le corbeau fait croc. Je vois le corbeau qui est tombé dans notre maison, comme s'il y a un corbeau qui me suivait, je dis, ah, je dis, ça y est, c'est maman là ou quoi là. J'arrive ici, dès que je commence à arriver dans la maison, ici je suis dans une impasse, la chair de tout. Et puis là, je sens que quelque chose qui se réveille en moi. Oui. Comme les petits là, ça marchait, mais il y avait plus gros. Donc les petits là, je ne distinguais pas encore. Oui. C'est comme si je n'avais pas envie d'arriver. Pendant que j'étais à genoux, je pleurais tellement. J'ai dit, comment je vais faire? Je ne peux pas raconter ça ici aux gens. C'est là où je dis, je veux revenir. Parce que je voulais revenir pour mettre maintenant l'eau bénite partout. Donc, quand c'était là, c'est comme si je portais quelque chose de ma tête. Donc, j'ai dit, non, je n'entre plus. Je n'entre pas chez moi. Impossible que j'entre dans la maison. Je ne peux pas. Donc, je vais voir le voisin. Et je dis, parce que je veux rentrer. Dès que je suis rentré en bas de ma cuisine, j'ai entendu comme une colère. Oui. Tu sais, anger. Oui. Dans la maison, c'est là où le tableau était tombé. Ah. Donc je vais voir le voisin. Je dis, je reviens de l'église là, Mais je ne sais pas, j'ai vraiment peur d'aller et tout. Bon, je vais parler d'esprit. Il me dit, mais quel esprit? Bon, écoute, si tu veux, bon, moi je vais monter, je vais t'accompagner. Dès qu'on approchait, parce que ce que lui n'entendait pas, moi j'entendais le bruit. Dès qu'on approchait, parce que eux ils communiquaient. Oui. J'entendais communiquer. Peut-être que quelqu'un qui était à côté n'entendait pas. J'entendais, ça faisait que ça sonnait. Le monsieur lui-même, le voisin, on veut rentrer, il me dit, bon, on va monter. Je t'accompagne alors, parce que je dis non, j'ai besoin de pour partir, parce que je veux passer au centre de mon corps. Et c'est là où il me dit, au moins, même lui-même, les avant, les bras, il dit courageux, courageux. Il n'a pas eu le courage pour monter. Oui. Parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et comment? On dirait que lui-même, il était bloqué. Oui. Il y a le bruit. Comme j'étais là, j'entends le bruit en haut. oui Et j'entends à côté de moi, comme si. Moi, je dis que ça venait de moi, mais parce que mais tu n'entends pas distinctement comme toi et moi. C'est comme oui si ça te battait, j'entends. oui Je dis, en train de parler. oui Donc, un moment, je dis, bon, j'ai mon sac qui est là. Ce qui m'embêtait, c'est que j'avais tous mes papiers dedans, mais sauf que mon porte-monnaie, heureusement, ce jour-là, mon porte-monnaie, je l'avais sorti de mon sac, c'était ailleurs. Donc, il était caché, j'ai dit, ah, c'est caché dans mon sac. Et du coup, j'ai pris mon courage. Mais monsieur-là n'est pas monté. Ce qu'il est en train de, ce qu'il me regarde, il est en train de penser autre chose. Je dis, bon, comme vous ne regardez pas là, il faut que je vienne. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis montée. J'ai dit, il faut que je prenne ce que je veux. Mais en courant. Et c'est là où j'ai vu le tableau tomber. Je n'ai même pas ramassé le tableau. Dès que j'arrive ici, là, peut-être, là où je suis, au coin ici, tout était chair de peau. Tout ne peut pas la chair de peau maladie. On est sur une maladie, ma maladie. Je ne peux pas m'appeler. Je pars de moi, je rase le. Je sors. Et là, je sentais. Et là, j'étais en train de. Je faisais le Notre Père, même si ça ne sortait pas bien. C'était. Ce n'est pas bien. C'est quand même pas bien. J'appelais Jésus, je priais Jésus, mais ça, je ne le disais plus bien. Hein. Oui. Je l'avais su. Enfin, Je ne le disais tu ne te maîtrisais plus, quoi. plus. Non, parce que c'est lui qui me maîtrisait maintenant parce qu'il ne voulait pas. Et donc, il transformait. Et dès qu'il y avait le truc, je me suis enregistré certains procédés dans mon petit téléphone. J'ai gardé ça. Au moment où les mots. Mais c'était dommage que je ne me suis pas resté au moment. Parce que quand je priais, même en lien, je butais sur les mots. Tu m'as entendu dire, attends, quelqu'un, moi je suis allé à l'école, je sais lire. J'ai dit, je butais sur les mots que quand il y avait que pour faire mon prière, j'étais obligé de lire. Quand je lis le truc, je reviens encore. Parce que ça m'empêchait. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ est Seigneur, d'accord, ma chère? Seigneur, c'est-à-dire, je suis sortie de là. Dès que je suis sortie, le soir, je suis revenue, c'est là où, c'est que le voisin, il a appelé mon mari. Oui. Il a appelé derrière moi, lui dire que ça ne va pas, ta femme devient folle et tout. L'autre, mon mari, lui aussi, m'appelle, il me dit, tu es où? J'ai dit, moi, je suis en ville, là. Comme je suis là, je rentre pas à la maison. Oui. Et il me dit, je dis, va à la maison, tu comprendras. Moi, je pensais que lui-même, il allait comprendre. Et moi, je pensais que c'était les sorciers qui étaient arrivés, j'ai dit, ils sont rentrés dans le sens. Donc, moi, je n'ai pas voulu, mais. Donc, je suis allée au centre de Francfort, chez les moines. Et j'ai dit, je vais ramener beaucoup d'eau parce que ici, là, c'était tout petit. Je vais prendre beaucoup d'eau, je ramène beaucoup d'eau. Ma soeur, pourquoi subitement il y a l'obscurité chez toi comme ça? Qu'est-ce qui se Ne passe? sais pas. Waouh! Mais c'est qui change, non? Ok. Non, mais c'est Je ne sais terrible. pas, c'est vraiment. Et il se fait subitement sombre. Oui. Quand tu as vu, non? Il fait subitement sombre, c'est comme ça. Je ne Et sais pas. on est à 10 h, il est 10 h, il est 12 h là, en pleine C'est douceur. en train de se couvrir. Oh, peut-être, moi, j'ai dit, peut-être que je vais passer. J'ai dit, c'est pour ça que je vais faire mon témoignage, parce que au moins on saura que ce n'est pas que les gens ne racontent pas n'importe quoi. Je ne sais pas, c'est en train C'est de quand même terrible là maintenant, ça change drastiquement là. là-bas, il y a le soleil, hein, tout au plus là-bas, mais ici, là, tout au plus. Ne t'inquiète pas, Jésus est Seigneur. C'est pour ça qu'il t'a mis en contact avec moi, d'accord? Moi, j'ai fait tous les recours, j'ai ramené, et comme il a fait partie, parce que justement, c'est pour ça que je n'ai plus peur. Quand j'ai ramené cette eau, je suis rentrée. J'ai prié tellement, je me suis engueulée avec lui, avec mon homme au téléphone, il me dit que tu fais, oui, tu as foutu le bordel, j'ai trouvé même les tableaux par terre, il croit que c'est moi qui Et ai jeté le tu ne peux pas lui expliquer que c'est un esprit. Non, mais attends, parce que moi j'ai dit, même, j'ai dit non, j'ai rêvé, j'ai vu, parce que entre-temps, parce que c'est ce que j'avais vu, quelqu'un passer dans ma chambre. Hein. J'ai vu quelqu'un passer dans ma chambre quand je venais, en dehors de ça, le Oui. même temps. Hein. Donc j'ai dit, je l'ai vu. Et très beau, hein? Oui. Très très beau, hein? Un blanc comme ça, très beau, qui passait, il est passé dans la chambre comme ça, il m'a regardé, j'étais Voilà. allongée, je Voilà. l'ai vu. Voilà. Mais je ne peux pas lui raconter, mais j'ai dit que j'ai vu un esprit. Donc moi, je lui ai dit que comme on est dans le vieux village, là, j'ai dit, il y a le fantôme, bon, j'ai dit le fantôme, il arrive, il me dit n'importe quoi. Il est venu, donc, il m'engueule que le tableau était par terre, que j'ai cassé le tableau, je lui ai dit, c'est pas Et moi, moi, je là, tu pourras lui prouver que c'est pas toi, d'accord, ma soeur? Je ne peux pas, mais je lui dis, écoute, donc on s'engueule. Il me dit, oui, je lui dis, écoute, va en haut, comme tu es en bas, prends mon sac, tu l'amènes en bas, s'il te plaît, moi je vais, j'arrive. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a que ça? Et il n'y a rien. Et, bah, moi, je lui dis, regarde dans mon sac, parce que comme j'avais entendu, je lui dis, regarde dans mon sac. Il dit, oui, j'ouvre ton sac, j'ai rien, de toutes les façons, ça ne va pas et tout. Je lui dis, ok, quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait, mon sac était là. J'ai pris 1 litre d'eau bénite, j'ai versé, mon sac est en plus, je l'ai abîmé, quoi qu'il en soit. J'ai versé l'eau, mon sac à côté, j'ai versé l'eau dedans, l'eau bénite partout, parce que moi j'ai mes affaires et mes papiers. Tous mes papiers étaient là, mon permis de conduire, tout était mouillé. Aujourd'hui là, ça fait un peu bizarre là, mais je sais pourquoi. J'ai laissé pour sécher. C'est là que j'ai senti que ici, la nuit se descend. Donc ça, c'est vraiment très important. Il me restait un bâton d'encens, la citronnelle. Il m'en restait un bâton. Je gardais ça, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais acheté ça, ne me demande pas, je n'ai jamais utilisé les trucs d'avant, ne me demande pas pourquoi. On dit que les trucs du Seigneur aussi, c'est-à-dire que autant le mal a ses plans, autant le bien aussi a ses plans. J'ai trouvé ici en Allemagne un truc de citronnelle. La citronnelle. J'avais. Pas souvent des trucs comme ça, parce que moi je pouvais ouvrir et que ça. Bon. Je ne sais pas pourquoi, je descends dans la cuisine, je ne mange pas, je n'avais pas mangé. Et là, je prends cet encens-là, le bâton, il me restait un de dernier bâton. Je prends l'encens, le bâton de citronnelle, je l'allume comme ça. Je ne sais pas comment, pour placer, je passe ma tête. Dès que je suis entrée dans mon narine, ici, là, j'ai senti. Tu sais, comme il y a une moule qui est quelque part, comme la poudre. Et Tu on... sais qu'il y a les Oui. branches là. Oui. Et Comme ça a été aspiré. aspirer. Aspirer. Dans ma cuisine là, et c'est pas. Ma tête. J'ai dit que ma tête. Ça chauffait tellement et à un moment donné. J'ai cru que j'étais mort, j'avais fini de cerveau, j'ai dit, attends, j'ai touché avec mon doigt, est-ce que la calebasse c'est là, quoi? Pour savoir si qu'il n'y avait pas de trou sur ta tête, quoi. Est-ce que c'est vide? Je ma tête est vide, mais vivante. Tête vide, mais vivante. Parce que je me touchais, je me regarde dans le miroir. Comme j'avais le foulard, et là, je me touchais. J'ai vécu tout ça. Lui, il était ici en haut aussi. Moi, j'étais en bas. Je ne peux pas lui raconter. Je suis montée et j'ai eu comme ça. Je voulais, ça dit comme si je voulais tomber. Je m'arrêtais sur le mur et je monte. Je suis venue, je me suis assise. J'ai bu un peu d'eau, j'ai bu un peu de venu et j'ai senti que c'était là, c'était vide. Et c'est la nuit alors qu'il y a eu le concert ici. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. C'est là où j'ai commencé à voir. Que j'ai vu, j'ai regardé. Les lumières rouges de la télé, quand la télé est en veille, j'ai vu la tête de mort. J'ai vu la tête de mort. Je cligne les yeux, je dis, mais attends, je rêve, puisque là, c'était Au les yeux. travers de la télévision. Ouais, ma télé est éteinte. Ici, à côté, ça fait les points rouges, parce que quand tu mets en veille, je regarde, sur ma soeur, je regarde, je dis, hein? Oui, tu as raison. Non, quand j'arrive de là, quand c'était parti, il était là, il regardait la télé. La première chose que je vois, le film qu'il voulait commencer, qu'il voulait regarder la télé, c'était avec Jack Nicholson et tout. Je ne l'ai jamais. Et je vois Jack Nicholson avec les yeux, comme les yeux de démon là, et avec Tongo. Oui, les cornes. Oui, mais ses oreilles étaient montées haut là, comme les. Oui. Mais ça, c'est quoi? J'ai dit, ouais, peut-être c'est l'enfant qui me fait l'évaluation. Je rêve. Je veux maintenant regarder la télé. Toute la télé était intestinale. Tout ce que je regardais la télé, c'était soit les personnes étaient comme si ils sont vivants. Il y avait une chanteuse, parce qu'après, au moment donné, j'ai pris la télé, j'ai zappé. Oui. Il y avait une jeune qui chantait. Mais quand on voit ce visage, on dirait qu'un côté était, comme dans les films d'horreur Il là, était ouvert, il y avait les dents. un côté n'était pas, un côté n'était pas. Je change, je mets les trucs, tout ce qui était rouge. Le phosphore, alors, quand il y avait le foot, je ne pouvais pas regarder. C'est comme si c'était les démons qui jouaient. Oui. J'ai vu tout. Dès que je fais pour le truc et tout. Voilà, alors que comme depuis, je ne me suis pas fait le téléphone. Je veux ouvrir. Quand maintenant, je veux ouvrir mon téléphone, mon Nokia 6, la première image que je vois, il y avait la tête de moi. Comment je vois? Est-ce que tu as vu le film d'Égypte, là, Scorpion, ou un truc qu'ils vont chercher? Tu sais, la momie, là. La Oui, le momie. retour de la momie. Le retour de momie. Un comme ça, qui était comme la momie, et puis il parlait comme s'il voulait me parler. Tout ce que j'ai dit, je me dis, ah, c'est quoi? Je téléphone. Oui. Je ferme. Je rouvre. Il n'y avait que cette image-là qui apparaissait maintenant sur mon téléphone. Il était comme ça. C'est-à-dire que. Il se tient comme ça, mais c'était tout noir. Et là, tout ça, tu vis ça seul. Personne n'est avec toi pour te porter cela. Personne, personne. Je suis en train de te raconter, ça y est, ça commence à me piquer, tu vois. Ça veut dire qu'il arrête un peu. Donc, je regarde, je dis, je ferme, je dis, ah tiens, je ne vais pas fermer le téléphone. Donc, quand même, quand je mettais mon téléphone, si je mets mon téléphone, par exemple, dans ma poche, là, je sens que, comme si la force, comme si ça tirait vers là où il y avait ça. Oui. C'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai pensé, comme tu avais dit un jour, que quand on est possédé ou quand on a des trucs, fermez vos téléphones, ne mettez pas le téléphone à côté. Oui. C'est ça que j'ai compris. Je suis montée. Oui. Et c'est là où je suis allée voir. Mais là, c'était ça. On a de Jésus ici, là. Oui. Voilà. Peut-être à l'envers, mais je ne sais pas. Non, je vois, Non. je vois. Au nom de Jésus, c'est ça que je pose. Parce que tu peux l'accrocher et tout. Oui. Donc je vais voir, dès que j'arrive, je vois les yeux de Jésus qui clignotent rouge. Oui, sur la photo. Ouais, j'ai dit que ça là. Je le vois s'il était. Il réagissait, mais son visage n'était plus aussi serein. Mais ses yeux là sont noirs. Mais ses yeux là, le c'était rouge. Oui. Et comme si ton visage changeait. Oui. Maman, papa, quand j'ai vu ça, j'avais bien fait d'aller chercher l'eau bénite. Donc j'ai pris. Dès que je prenais ça, comme ça, j'ai pris. J'ai quand même eu la force de prendre. J'ai pris comme ça. Je sentais la force dans mon bras. Ce qui était dans mon corps là voulait comme remonter. Oui. Et j'ai pris ma petite statuette de Marie qui écrase le serpent comme ça parce que c'est celui que j'ai. Oui. Il pose son pied sur le terrain. Je prends ça et je sens aussi que, merde, j'ai couru pour aller dans la salle de bain. Et donc, du coup, j'ai versé l'eau bénite. J'ai versé l'eau bénite. C'est là où j'ai senti que quelque chose sortait de là-bas. Et j'ai pris encore ma statue. Parce que comme les statues sont, tu sais, c'est un peu comme ça. C'est fabriqué d'en haut. Donc, j'ai pris mon verre, un verre dans la salle de bain. J'ai mis l'eau bénite dedans. J'ai posé. Donc même les esprits là possédaient même les statuettes que tu avais, les cartes et les photos que tu avais à la maison. Exactement. Voilà. On va parler de cela lorsque, après ta, on va parler du pourquoi de tout cela après ta délivrance, d'accord, ma chère? Ah, du pourquoi? Oui, de pourquoi toutes ces choses arrivaient, comment il parvenait à posséder la photo de Jésus que tu as, la photo de Marie, ainsi de suite, ainsi de suite. On va, comment, les explications. Oui, j'aimerais vraiment savoir parce que. Et même à la télé, les Oui. télés, les visions de la télé, là, c'est Oui. quoi? Oui, ne t'inquiète pas, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler de ça, mais il faut que tu sois en soi d'abord libéré. D'accord. Courage. Okay. Ça fait plus de. Dans cette deuxième partie, ça fait plus de 2h30 que nous sommes ensemble. Ton mari, est-ce que c'est pas possible d'aller lui rendre visite avant de revenir? Il n'a pas été impatient. Pourquoi il est non, il est là, il est comme il est là, mais de quoi tu veux lui parler? Non, il veut pas lui parler, pas pour l'instant. S'il a récupéré parler, il veut lui parler face à face. Non, moi je préfère que parce que comme il y a encore les forces qui sont là, parce que tantôt il est bien, tantôt il n'est pas bien. Là, il est dans ce voici, je vais là-bas, ça va le veiller encore. On Oui, finit, et oui. après moi je t'ai dit que. Ok. Déjà qu'il est là, il reste longtemps, mais je lui ai dit que j'avais. un rendez-vous aujourd'hui. Il faut qu'il comprenne petit à petit, mais j'espère que même s'il se refuse, Oui. mais que lui-même aussi, qu'il comprenne, qu'il comprend petit à Il comprend petit. anglais. Oui, il comprend anglais, il comprend anglais. Ok. Maintenant, on va lire un dernier verset de la Bible, puis on va prier. Et ouvre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, Oui. c'est toujours souvent. Ah, les Ecclésiastes là sont encore où là? Si c'est bien rangé, je crois que dans ta Bible, tu ferais mieux d'aller trouver la table de matière. Parce que je ne peux pas te guider là maintenant. Je ne sais pas comment c'est ordonné dans ta Bible, à toi. Alors, Ah, tu as souffert. Mais le Seigneur Jésus connaît ta souffrance, d'accord? Amen. Mais Ok. remarque bien que voici là la preuve de l'amour. Quand il dit par exemple que le Seigneur t'aime, tu dis, quelqu'un peut dire que mais il aime tout le monde. C'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Comment tu as pu être là-bas? Tu n'as pas de défense, tu n'as pas quoi que ce soit que tu fais comme défense, mais il ne va même pas te tuer. Rien. Et non, c'est-à-dire il n'a pas réussi. C'est moi-même, c'est-à-dire que c'est un miracle. Je suis miraculeux. Et puis sans rien faire. Moi j'ai dit et tous les gestes là. Mais tu te rends compte, moi c'est là. Pas mon pas. Je n'arrivais même plus à prier. Tu veux prier? Mon téléphone. J'ai dit que là, j'ai dit c'était quand je regarde la télé, j'arrive plus à regarder la télé. Je mets les écouteurs. S'il y avait les prières et tout ça, moi j'écoute toujours les messes et capteurs de prière. Ça faisait comme. Tu sais, comme les interférences. Oui. Comme quelque chose était venu entre eux. Donc je n'entendais plus, c'était plus clair. Mon téléphone, j'ai mis de côté, je ne peux plus l'écouter. C'est-à-dire tout ça pour m'isoler. Mais moi que j'ai tenu. Ici, là, donc c'était ma table. À un moment, j'ai posé ici. Je lis la Bible, je mets là. J'ai dit, c'est grâce à la Bible que je m'en suis sorti. C'est grâce à la Bible parce que ça ne me quittait plus. La Amen. Bible que j'avais rangée dans le toit, j'ai dit, ça ne me quittait plus. Amen. Ecclésiaste. Combien? Chapitre 9. Non, oui. Lis le verset 5 et 6. Alors, attends, celui qui Oui, a allons-y. alors, en effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Encore. Non. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive sur la terre. Tu as entendu ça? Wow. Et je veux que tu m'expliques comme si tu expliquerais à ta maman à Douala, en Douala, chez toi, ici à Douala. Oui. Vraiment, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle là. Non, ça veut dire, en fait, tu comprends ceci que s'ils sont morts, ils sont morts. C'est terminé. C'est terminé. Mais ils sont vivants encore. On sait qu'on va mourir, mais ceux qui sont morts, c'est-à-dire qu'eux, ils sont morts, c'est terminé. Oui. Ils ne savent même plus. Ils n'ont plus. Ils sont maintenant, il faut les oublier, ils sont maintenant dans l'oubli. Oui. Donc tout ce qui, les amours, Oui. les sentiments humains en fait, parce que amour, haine, jalousie, c'est des sentiments humains, sont morts avec eux. Donc ils sont partis avec. Oui. Et ils ne seront plus, ils ne participeront plus jamais à la vie humaine, à la vie ici sur Terre, quoi. Alors, la Bible est claire. J'espère que c'est un peu plus clair là, n'est-ce pas? Alors, si quand on te dit par exemple que ton père est fâché contre toi là-bas, si ta mère est fâchée, ta grand-mère est fâchée, tu vois que ça n'a pas de sens, pas vrai? C'est ce qu'on nous dit, c'est vraiment pas de sens. Tu vois donc que c'est la tradition face à la Bible, n'est-ce pas? Donc, les traditions que nous avons sont incompatibles avec la volonté de Dieu. Exactement. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a oublié. Oui, les parents, ils ont couché. On dit en Douala, Abba Boumé Wadi Boum. C'est-à-dire qu'ils ont couché par le ventre, je vois, parce que. Il faut faire maman Dis un peu, dis un peu à Douala, les mots ne sont pas mauvais. Comment les mots ne sont pas morts? Les mots sont Non, morts. non, en fait, vous avez l'adage qui dit les mots ne sont pas mauvais, mais dis ça à Douala. Ah, oui, c'est ça. Nabawedi basiwedi. Kembawedi bawonde. Dieu Donc, est célèbre wedi nabati kumundi c'est ça qu'il y a beaucoup comme ça là. Les mots ne sont pas morts. Bon, tu vois. mawedi. Ne sont pas morts. Les mots ne sont pas morts. C'est bawedi basiwedi. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit en Douala que les mots là, ceux qui sont morts là, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ok, maintenant, je veux que tu dises en Douala, pour t'adresser à tous les Douala, les mamans Douala qui pourront nous suivre, tous ceux qui parlent de Douala, n'est-ce pas? Je veux que tu le dises en Douala, ceci. Dans notre tradition, on nous a menti en disant que les mots ne sont pas morts. La parole de Dieu dit que les mots sont morts et c'est terminé pour eux. Donc, ceux qu'on a contactés là, ce n'est pas eux. Dis en Douala. Oh, Koutimassou, oh, Edoubassou, Djénala Adoubenona, Bawedi, Basiwedi, depuis Benyakwala Mingana, Bawedi, Balo, Yeseyabo, Lesele Babo, Baina Balo, Bale Ounse, Bibende Ikwadinita, c'est comme ça. Alors, comme tu as dit que c'est la Bible qui le dit, dis maintenant que Dieu dit que si quelqu'un s'adresse à eux, il va les frapper. Nous tenons, nous tenons, nia ton père, ou nia belé, pa ina nou a wedi, ou to son nou wedi, a kop, ki se loba a kop, ki se mou. Amen, amen. Anneli, Loba, Loba Anamsewa. Nasom. Loba, Ebelewa. Anasom, wow. Parce que j'ai beaucoup à apprendre. Et tous on est beaucoup, et nous avons beaucoup à apprendre. Et moi, je ne pensais pas que les Douala, nous aussi, on faisait les titres de mort, parce que je pensais que c'est les familles qui faisaient les titres de mort. Voilà. Donc, le fait que qu'on parle que, ouais, notre monde, ou qu'on jure même à C'est la même quelqu'un qui est chose. C'est que donc la les Babelouké font pour eux, ils versent encore de l'huile, ils donnent de la nourriture, ils ajoutent seulement en plus à votre tradition. Tu vois un peu cela? eux, ils donnent même à manger, Ils donnent à oui. manger. Et ça, la Bible déclare que tout ce qu'on fait là dans la tradition là, c'est au démon qu'on le fait. On va avoir le temps de développer tout cela dans la Bible. Parce que quand on dit cela, les gens croient que on a laissé notre culture pour embrasser ceux des blancs. C'est ça qui est marrant là-dedans. Et en faisant comme ça, le démon nous garde dans la captivité. Mais quand on parle, donc quand on qu'est-ce qu'on doit faire alors de nous? C'est-à-dire qu'on ne peut plus les prononcer, même les noms, un truc comme ça? Si tu dis donc ça, je suis obligé de lire encore la Bible avec toi parce que c'est la réponse qui doit se retrouver dans la Bible. Non, non, non, mais la question n'a pas la question. La Bible est pleine de questionnements, mon cher. Je voulais dire parce qu'on a mis longtemps, il fallait qu'on prie. C'est pour ça qu'il dit qu'on lit ceci, puis on prie. On aura le temps de travailler parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. D'accord? Donc je vais donc te citer la Bible. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Si tu peux noter, tu verras, tu pourras lire par la suite. Dans le livre des Hébreux au chapitre 9, le verset 27. Prends aussi 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, tu lis tout le chapitre. Oui, tu lis aussi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, donc je vais citer seulement le premier que je t'ai donné, Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible déclare que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand un homme meurt, se termine, lui, il attend son jugement. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Ferme donc les Bibles. Alors, on va prier maintenant. On va prier. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Ça va chauffer là maintenant, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Oui. Nazareth. Encore. Répète cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reste tranquille. C'est moi qui vais prier. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres. Jésus-Christ a vaincu. Je te commande de libérer cette femme-ci maintenant. C'est son heure de délivrance maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Ça fait gros, gros, gros, gros. Laisse-le, ça fait gros gros. Avec lui maintenant qu'on cause. Ça fait gros gros gros gros. Il travaille à la NASA. Sors! Sors! sors de son ventre maintenant. Sors de son ventre. Sors. Sors. Vomis tout. Tout ce qui est dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Seigneur, pas le temple des démons. Le son est parti. Le son est en train de partir. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Même si mon son parti ne m'entend pas, je vais parler à cet esprit, ne t'inquiète pas. D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Tu vois, oh mon Dieu, c'est fort maintenant autour de toi là maintenant. Regarde ça. Tu vois que si tu n'as pas apporté ces sauces, tu seras en train de vomir sur la table là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrête ce saut entre tes mains. Arrête ce saut avec les deux mains maintenant. Arrête. Au nom de Jésus, maintiens ça dans tes mains. Maintiens ça. Maintiens dans tes mains maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors! Au nom de Jésus-Christ, sors! Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Sors! Sors! Sors! Tout! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ est invoqué sur toi. Tu ne peux pas résister dans ton corps. Tu ne peux pas résister dans son corps. Sors! Lâche son cou maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi puissant des ténèbres, toi puissant des ténèbres qui règne dans sa vie, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ, sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de... Sors! Sors! Quitte son corps maintenant, quitte son corps! Je t'ordonne de quitter son corps maintenant, au nom de Jésus, la main du Seigneur est sur toi. Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, vomis tout, ne lâche rien, tout! Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance pour cette femme, merci pour ta grâce pour Nelly, merci parce que tu l'as aimée, merci parce que tu nettoies son corps, son âme et son esprit, merci parce que tu nettoies son sang, merci Père de gloire pour ta grâce. Sors d'elle maintenant, sors d'elle! Au nom de Jésus-Christ, elle a assez souffert entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le doigt de Dieu est sur toi, toi puissance des ténèbres. Je t'ordonne de sortir d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus, quitte son dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vomis tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors! Sors d'elle maintenant! Sors de la puissance de Dieu est sur toi! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! La puissance de Dieu est sur toi! La main de Dieu est posée sur ta tête! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus habiter son corps. Son corps appartient désormais au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors! Vomis tout ce que tu as mis dans son... Vomis tout. Sans rien laisser. Sors! Puissant des ténèbres. Puissant des ténèbres. Lâche-la maintenant. Lâche-la, je te commande. Je t'ordonne. Quitte son ventre. Au nom de Jésus. Puissance des ténèbres. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Oui, sors. Sors. Sors sans lui faire du mal. Tu ne dois pas endommager aucune partie de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Oh mon Dieu. La chaleur qui est dans cette maison-là maintenant, c'est terrible seulement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors, sors, sors. Lâche son cou maintenant. Lâche son cou. Lâche son cou. Quitte son cou. Quitte son cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Sors! Sors! Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus! Puissance des ténèbres, ton règne se termine aujourd'hui. Puissance des ténèbres, ton règne se termine aujourd'hui. Sors! Sors! Sors! Lâche sa tête, lâche sa tête, lâche sa tête. Quitte sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu gagnes. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche ton corps maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande maintenant que tout ce qui s'y trouve sorte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, vomis, vomis, vomis tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort maintenant, n'est-ce pas? Oui, ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Toi, puissance de ténèbres, toi, puissance impure. Toi, puissance impure, je t'ordonne de sortir de son corps. Maintenant. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Sors! Sors tout, tout. Toi, puissance de ténèbres, je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Ne t'inquiète pas parce que ton mari est en train de voir. Comme il est en train de voir cela, c'est exactement comme ça que Dieu est en train de travailler maintenant dans son corps. C'est ça. Donc, ne t'inquiète pas, c'est lui, c'est Jésus qui l'a fait venir là maintenant, là, d'accord? Mets-moi ta main droite sur ton front maintenant, sur ton front, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de son, oui, sors de son système maintenant, vomis tout cela. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ, oui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, le Seigneur, ne le regarde même pas. Laisse que ceci est dans ton corps. Arrête au niveau de ta nuque en bas, sous ta gorge comme ça, avec ta main droite maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrête, maintiens, maintiens, maintiens, maintiens. Maintenant, sors. Sors. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Sors! Sors! Sors! Dis à ton mari que on en est de chasser les gens qui dérangent sa famille au nom de Jésus-Christ, d'accord? Donc il va maintenant enjoy son épouse. Voilà. Il dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? Il dit, il est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens ton cou là, la puissance de Dieu va parcourir ton cou, ta nuque partout là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Lâche sa nuque maintenant. Lâche. Quitte sa nuque maintenant. Oh, c'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. Sors! Mmh. J'espère que tu as pris un grand seau, parce que tu as beaucoup de poison dans le corps, beaucoup de poison dans le corps. Ça, c'est un dépôt de longtemps, ça. Sors! Sors! Vomis tout ça! Hey! Vomis! Sors! Sors! Mais c'est terrible, ça. Il y a quelque chose attaché au niveau de ta nuque, là. Ça, c'est pour t'étouffer. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Tu vois ce qui se parcourt dans ton corps maintenant, n'est-ce pas? Tu sens ce qui parcourt. Oui, Oui. une fois de chambre et puis un peu mon mon ventre. Voilà, là, ça coûte. Oui, ne t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Tout ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'à la tête, tu as le poison. Donc ça doit sortir. Mets la main encore au niveau du coude. C'est pas terminé là, c'est pas terminé. Au nom de Jésus-Christ, tu as vu comment j'ai mis ma main? Tu vois comment j'ai mis ma main sur mon cou, n'est-ce pas? Sur ma nuque là. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça bouge au niveau de mes jambes. Ne t'inquiète pas. De la plante des pieds jusqu'à ta tête. Ne t'inquiète pas. Mets la main au niveau du cou. Comme je dis. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mêmes ténèbres sont revenues dans la maison là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, retire-moi ta main au niveau de ta nuque. Mets exactement sous ton nombril. Sous ton nombril, maintenant, je vais prier, d'accord? Oui. Oh mon Dieu, c'est terrible ce qu'il y a là maintenant. C'est terrible, c'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'appuie, ça me fait mal. Oui, ne t'inquiète pas. Il sait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Quitte son ventre maintenant. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu n'habiteras plus là-bas. Tu n'empêcheras plus. Au nom de Jésus-Christ, je brise ton emprise maintenant. Je brise ton emprise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ces trompes maintenant. Lâche ces trompes. Quitte ces trompes. Quitte ces trompes. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte cette trompe maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton alliance avec son ventre, tout ce que tu avais attaché dans son ventre est brisé maintenant. Brisé maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors, sors. Vomis tout, tout. Tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ma soeur. On n'est pas seul. Il y a toi, moi, il y a le Saint-Esprit avec toi là maintenant. D'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il te soutient. Il y a quelqu'un derrière ton dos maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Ça fait comment? Voilà. Ah. Oui. Retire ta chaussure. Tu déposes les pieds au sol. Comme moi. D'accord? Maintenant, je vais taper mes pieds au sol. Toi, tape tes pieds au sol. D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant, comme vous êtes entré. Comme vous êtes entré. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande maintenant que toute puissance des ténèbres sorte maintenant de toi. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-t'en maintenant, sors, sors, sors, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Laisse-moi imposer la main sur ton visage, d'accord? Laisse-moi imposer la main sur ton visage. Oui, parce que ça vient sur l'œil là, il veut voir. Oui. Et ça fait... Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ne t'inquiète pas, j'ai le doigt là-dessus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, il est parti. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ne t'inquiète pas. Partout ton corps. Laisse-moi. Mais ne vais mettre le doigt au niveau de le milieu de ta tête. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du tout. Reste seulement calme. Reste calme. Au milieu de ta tête. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Seigneur a ordonné sa liberté aujourd'hui, sa délivrance totale. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Oh mon Dieu. Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu sens la chaleur terrible, n'est-ce pas? C'est voilà. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Permets. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, maintenant, prends ton seau, prends le seau. Oui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui. Vomis tous qui sont là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! J'ai la main sur ta tête, d'accord? Les choses vont te parcourir dans le dos. Donc, dès que ça parcourt dans ton dos jusqu'en bas derrière, ça va descendre sur le fessier. Tu me dis, d'accord? Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Voilà. Sors! Tu vois, ça chauffe sur toi jusqu'à ce que mon... Oh, oui, ça chauffe jusqu'à ce que mon ordinateur même chauffe ici. Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Je regarde dans mon seau là. Ah, vomis tout ce qui est là. Sors maintenant. Attends, tu voulais que tout ce qui est dans le seau là, tu voulais que ça reste dans ton corps? Non, que. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre ta bouche. Tu vas vomir ça. Ça va sortir. Ouvre ta bouche dans le seau là. Ouvre ta bouche dans le seau. Attends, j'ai touché le dos. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Sors. Maintenant, ça va. Sors. C'est terrible là maintenant. Sors. Sors. Sors. Tu permets, il frappe ça. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Vomis tout maintenant. C'est terminé. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après ça, tu seras vraiment fatigué parce que tu seras léger par la suite. D'accord? Il faut que toutes ces poils là qui sont... Sors! Vomis tout, je commande! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Sors! Vomis tout! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Lâche son dos maintenant! Lâche son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Toi, esprit de ténèbres, toi, esprit impur de ténèbres, sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Sors! Sors! Sors! Sors! Tu ne diras plus ton corps! Sors! Sors! Je t'ordonne de sortir, tu ne peux pas résister! Alléluia. Oh, sors. Sors. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Oui. Toi aussi maintenant. Sors. Toi. Sors. Sors. Oui, sors. Toi aussi, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne dois plus lui faire du mal. C'est terminé aujourd'hui, c'est terminé. Sors! Sors! Tous vos poisons dans son système. C'est terminé. Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Ta colonne vertébrale jusqu'au pied. par derrière jusqu'au fessier. Je t'ordonne de sortir, toi qui te caches là-bas, avec tes tentacules. Au nom de Jésus, sors de son système. Sors! Sors! Sors, je t'ordonne de sortir, tu ne peux pas te cacher là-bas. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce que tu as mis dans son système, tous tes vers, tes pourritures, tes poisons, sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pourrez plus habiter son corps. Son corps n'est pas votre temple. Au nom de Jésus, sors maintenant, sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus t'a visité, il t'aime, il ne peut rien. Le Seigneur t'a visité, ils ne peuvent absolument rien. Pas absolument rien, ils ne peuvent plus absolument rien. Oui. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Oui. La victoire. Qu'est-ce qui est dedans? Il y avait tout noir et puis il y avait du sang ou tout. Oui, ne t'inquiète pas. C'est qui est dans... Décris-moi ce qui est dans le seau. Décris-moi ce qui est dans le seau. Ça fait des... Il y a comme des filaments comme ça, mais il y a comme des ronds. Oui. Des petits petits rondelles. C'est des petits petits rondelles. Quelle couleur? Oui, il y a rouge et il y a marron, un peu comme moi. Oui. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Tu vois, Jésus-Christ est Seigneur, pas vrai? Hey, sors! Sors, sors! Sors! Au Il y a comme host. nom de Jésus-Christ. Je fais une photo. Oui, fais une photo, tu m'envoies, d'accord? Oui. Après cela. Mais regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ici. Regarde-moi, regarde-moi. Ok. Tapote avec ta main, comme ça. Tapote avec ta main sur ta poitrine, sur ta poitrine, sur ta poitrine, sur ta poitrine, pendant que je prie. Tapote avec ta main sur ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Oui. Sors! Tu as vu ce qui est sorti maintenant? Hein? Oui. C'est quoi ça maintenant? Oh, c'est plus gros que l'autre. Voilà. Ne t'inquiète pas. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Souviens-toi, pendant que tu me regardes, souviens-toi de ceci. Le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon, d'accord? Tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine, tape-moi la poitrine. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Jésus-Christ te veut hors de son corps. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux, nombreux, nombreux, nombreux. Sors! C'est pas terminé, c'est pas terminé. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Tu vas savoir aujourd'hui que Jésus est Seigneur. Ils vont savoir effectivement que ils ont tout fait, ils ne devaient pas te toucher à ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tape le poitrine, tape la poitrine, tape la poitrine, tape la poitrine, tape la poitrine, tape la poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Voilà, sors. Voilà, maintenant regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi toujours, regarde-moi toujours. Je vais voir tes yeux, voir tes yeux. Au niveau du ventre maintenant, au niveau de exactement là où il y a le nombre. Tape là-bas, tape là-bas, tape là-bas, tape là-bas. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, sors! Sors! Lâche son ventre maintenant, lâche son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre, quitte! Au nom de Jésus-Christ, tape, tape, tape, tape, tape, tape. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, quitte cette trompe maintenant. Quitte cette trompe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal, n'est-ce pas? Oui, tapote, tapote là-bas, tapote là-bas. Sors, sors! Lâche son ventre, c'est votre fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur, merci parce que tu restaures son ventre. Merci parce que tu restaures ses entrailles. Merci parce que tu restaures ses entrailles. Merci Seigneur parce que tu restaures ses entrailles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vomite tout sort. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tapote-moi le ventre là, c'est pas terminé au ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, plus jamais de ténèbres dans ta vie, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sors! Je te commande, sors! Sors, tapote ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, ce dernier-là, sors! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Extrêmement fatigué. Maintenant, est-ce que tu sens encore quelque chose sous les pieds? C'est terminé pour les pieds, n'est-ce pas? Oui, je sens plus. Plus trop. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tapons-moi les pieds au sol. Tapons-moi les pieds au sol. Tapons-moi les pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'avais inquiété mon talon là, il n'est plus. Oui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, regarde ce que tu as dans le seau encore, regarde le seau dedans, regarde le seau. Tu vois ça? Maman. Tu peux dire maintenant que Jésus-Christ t'aime maintenant en vérité? Vraiment. Mais c'est quoi les plus noirs là? Tu vas montrer à ton mari, comme ça il va voir ce qu'il en est, d'accord? Tu vois ce genre de choses en train d'habiter ton corps? Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Oui. Sors! Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Oui. Oui. Mets ta main sur le nez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance maléfique qui manipulait la vie de cette femme dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu n'utiliseras plus ses yeux. Je t'ordonne maintenant. Quitte ses yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ses yeux. Quitte ses yeux! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Dépose les soulève les deux mains comme ça, il va prier. Voilà. Courage, d'accord? Tu vois comment tu es faible, comment ton corps est devenu léger, n'est-ce pas? Voilà. Tu filmes tout ce que tu as vomi là-bas, tu me montres cela. Tu m'envoies cela par WhatsApp, d'accord? Oui, je vais mettre ça. Et tu fais tout et tout pour que ton mari voie cela. Je vais descendre ça, non? Je vais lui montrer. Oui. Et puis, ils sont Saint-Thomas et puis ils sont des blancs, ils connaissent tout. Donc, il va me sortir un truc. Oui. Tends-moi les deux mains sur l'écran. Tends-moi les deux mains sur ton écran. Tends-moi les deux mains sur ton écran. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, que tu oins les mains de cette femme. Que tu oins maintenant sa vie. Que son corps, son âme et son esprit soient sous son contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'aime encore. Alors, Le Seigneur Jésus, tu l'aimes maintenant. Tu vois ce qu'il fait pour toi? Oh, oui, tu l'aimes, mais je l'ai toujours aimé, non? Mais il a dit tout à l'heure dans la Bible là que si tu invoques les morts, c'est que tu te prostitues avec eux. C'est une idolâtrie. Évoqué, arrête de me dire ça, je n'ai pas évoqué les mots, j'ai juste juré pour mon grand-père. Donc, dès qu'on va se séparer, là, tu pars dans la prière, tu demandes Seigneur pardon pour toutes les fois que tu as fait ça dans l'ignorance, d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, fais attention à ce qu'on va se séparer. Quand on va se séparer, tu seras beaucoup fatigué et ça va continuer à sortir là maintenant. Il y a le reste de poison qui va couler. Ça en est de cela sorti, oui. Crache ça, tout ça, tout ça. Voilà, permets-moi de te recommander entre les mains du Seigneur, d'accord? Tu vas t'occuper de ton mari. Ça fait plus de 5 heures de temps. On a toutes les trois parties, ça fait 5 heures de temps que nous sommes ensemble depuis le matin, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Père, je te recommande ta fille Nelly. Je recommande au Dieu de gloire son corps, son âme et son esprit. C'est toi qui l'as envoyé pour la délivrance et c'est toi qui couvre, qui continue cette œuvre dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu t'aime, n'est-ce pas? Oh, il m'aime beaucoup, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Alléluia, amen. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que tu as à faire, c'est craindre-le. Quand tu commences à lire la Bible maintenant, véritablement pour ton âme, d'accord? Non, mais ah bien, j'aimerais bien l'étudier, j'aimerais bien connaître, le lire, quoi, comprendre. Oui. Parce qu'on lit, moi je lis parfois comme un roman, quoi, tu lis. Ne t'inquiète pas. Quand on est connecté à moi, on ne lit plus de la même façon, d'accord? C'est la grâce qu'il m'a donnée. Non. Mais c'est parce que tu es donné dans la même grâce. Vomis ça, vomis, vomis, vomis, vomis, vomis, vomis. Lâche, lâche, lâche, lâche, lâche, lâche. Lâche là. Lâche là. Lâche, lâche, lâche, lâche, lâche, lâche. Regarde ça, regarde celui-là, il veut le cacher. Aïe, aïe, lâche là, lâche là. Lâche, lâche là. Lâche. Moi, tu croyais que le tout laquelle j'étais, c'était 7 ans. Non, c'est comme ça qu'il y avait. Oh. Le Seigneur t'aime. Mais ne t'inquiète pas, d'ici quelques jours, on va se rencontrer face à face. D'accord? D'ici quelques jours, on va se rencontrer face à face. C'est vrai, Alléluia. Oui. On va se rencontrer, d'accord? Je suis trop contente, je suis trop heureuse, trop contente. Oh, j'ignore. Non, que le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, qui te garde, qui te bénisse, toi et ta famille, tous nous tous, et tes frères et soeurs Amen. que tu as rassemblés. Amen. Amen. Et tu Amen. fais un travail. Je te remercie. Je n'ai pas de mots. Si tu. Non. Laisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Non, vraiment. non, non, oublie. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu peux faire pour moi maintenant, parce qu'il faut que je ne rate pas la mission pour laquelle il t'a envoyé vers moi. C'est qu'il faut que tu commences maintenant le processus de nettoyage. Reste dans la parole, d'accord? Quand tu vas commencer à lire la Bible, des choses vont se passer, d'accord? Et D'accord. demain matin, à cette même heure, aux environs de 9h, je veux que tu appelles pour qu'on parle, d'accord? Oui, ok. Mais Va te reposer, que le Seigneur te je bénisse. te vraiment, je ne sais pas. Je te remercie de ton temps, de tout ce que tu fais, de Je suis si aussi. je peux faire quelque chose, je ne sais Ne pas. t'inquiète pas, je suis à votre service. C'est pour ça que j'ai été envoyé, d'accord? Va t'occuper de ton mari, repose-toi, tu t'occupes de toi. Maintenant, tu. Je suis fatiguée là. Oui. Ok, merci. Hein. Que le Bah, à Seigneur te bénisse. demain matin, c'est moi qui connais l'heure. Oui, 9h, d'accord? Merci, merci. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Merci.